Scène 9, les mêmes, Pacarel, Dufossé, deux arrosoirs dans les bras. C'est bon, vous mangerez plus tard. Vous allez des Tiburs à nettoyer les hannetons. Encore des parasites inutiles. Au moins cela, on s'en défait. Oh mon ami, que c'est vilain ce que tu dis là. Le pauvre garçon, il le fait arroser. Quelle humiliation! Oh, si je ne me retenais pas! Et s'adressant à Marthe. Alors, vous voulez que je soigne votre frère? Hein? Marthe remonte rejoindre son mari au fond de la Seine. Amandine s'approche alors de Dufossé. Prenez bien garde, mon mari a des soupçons. Je crois qu'il se doute de votre amour coupable. Tiens, parbleu, c'est moi qui lui ai dit. Vous? Malheureux? Et comment a-t-il pris ça? Lui? Qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse? Il a dit seulement « Ah ?» Eh bien, pour la rareté du fait. Comment? Il a dit « L'insolent !» Eh bien, j'aurais bien tort d'avoir des scrupules. Monsieur, j'attends vos jarretières. J'ai 58 de tour de jambe. Ah? Vous? 58? Vous avez 58? Ça me fait bien plaisir. Ils ont donc la manie des jarretières dans cette maison. Pacarel, redescendant du fond. Allons, ne perdez pas votre temps. Allez me nettoyer mes hannetons. Dépêchez-vous parce que après j'aurai une course à vous faire faire. Moi? Oui, vous irez me chercher une paire de jarretières. J'en ai une des miennes qui a craqué. Lui aussi? Allons, c'est dans le sang. Il sort.